Allô, ici Black. Vous me recevez? Destination la planète Terre en vue. Localisation Paris. Marseille. Allô, vous me recevez? La boîte est pleine. Allô, la boîte est pleine. Nom du club. Excuse-moi, je n'ai pas ton temps. Je suis vrai, je ne fais pas semblant. Je me fous de quel est le montant. Mes frères attendent depuis longtemps. Y'a pas d'oseille, y'a pas d'oseille. Qui est dans le carré VIP? Qui est dans le carré VIP? Toi tu ne rentres que si je t'invite. Et si je t'invite, t'as roule un joint. Qui est venu en équipe? Qui est venu en équipe? À ma table, y'a tout le ticard, y'a tout le ticard. On est en équipe. Qui s'est fait recaler? Qui s'est fait recaler? Ne vous en faites pas, on va tous finir dans un putain d'after dans mon palais. Excuse-moi, je n'ai pas ton temps. Je suis vrai, je ne fais pas semblant. Je me fous de quel est le montant. Mes frères attendent depuis longtemps. Dites au serveur qui remet des bouteilles et au patron du club qu'on ferme la boîte. Qui est venu soulever? Qui est venu faire du sale? Qui est venu tout seul? Harry, calme-toi, tu vas goûter le sol. Qui connaît la dernière Corée? Qui connaît la dernière Corée? On fait une ronde si tu danses pas, mets-toi sur le deck pour décorer. Qui est venu saper? Oui. Qui est venu saper? De toute façon, nous on n'oublie rien, on a tous les dossiers, on a tous nappé. Excuse-moi, je n'ai pas ton temps. Je suis vrai, je ne fais pas semblant. Je me fous de quel est le montant. Mes frères attendent depuis longtemps. Mission accomplie. Les terriens sont vraiment très particuliers.